Vas-y, vas-y là, vas-y, on y va. Vas-y, viens. Cher dans le RER, tel un versitaire. Ouais, ça gère, je m'y perds pas, mais je repère tout plein de son père dans mon RER. Cher dans le RER, tel un versitaire. Ouais, ça gère, plein de mystères. Ouais, je flaire tout. Plein de son père dans mon RER. Dans mon RER, y'a plein de son père. Certaines me flairent et d'autres me matent de travers. Vers quelle direction aller, je dirais Châtelet. Ouais, matelet, ces poufs qui font que brailler. Blablader et des fosses remaquillées. Et je mate ce mec en train de l'enquiquiner. Quel bonnet, le mec ou les seins, hein. Ouais, dans ce train, bout d'esprit malsain. Dans ce RER, je fis cette canette de bière qui me donne le mal de mer. Sa mère, merde, et puis je vois tous ces visages si tristes, comme si je ressentais d'un coup toutes leurs cicatrices. Puis arrive cette personne âgée, tout gay. Ça fait zirpler, marrer comme cette bande de gays. Mais un coup de poing s'amène dans tous les regards quand on voit toujours ces SDF assis dans le gare. Gère dans le RER, tel un versitaire. Ouais, ça gère, je m'y perds pas, mais je repère tout plein de son père dans mon RER. Gère dans le RER, tel un versitaire. Ouais, ça gère, plein de mystères. Ouais, je flaire tout plein de son père dans mon RER. Dans mon RER, y'a ce bâtard qui laisse pas sa place à cette dame enceinte. Putain que ça m'agace, comme faire face au flic pour un pièce sur le siège. Tu ferais mieux d'aller tourner autour des collèges avec tes collègues, car la délinquance c'est plus celle, c'est plus celle d'avant. Même à 9 ans ça veut le ciel. Ouais, puis ce mec qui veut pas payer son amende, faut voir que les contrôleurs le mettent à l'amende. Et cette bande qui trace, car y'a les keufs à ses quotidiens, comme voir de belles meufs. Et là y'a cette gothique mini jupe décolletée qui ira porter plein de pourvioles dans la soirée. Faut pas s'étonner comme qu'on t'annonce une grève. Rien que d'en parler, tu vois, ça m'énerve. Puis je te parle même pas du mec cravate costard, ou encore ce BN par terre qui attire ce clochard. Cher dans le RER, tel un versitaire. Ouais, ça gère, je m'y perds pas, mais je repère tout plein de son père dans mon RER. Gère dans le RER, tel un versitaire. Ouais, ça gère, plein de mystères. Ouais, je flaire tout plein de son père.